Non, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les études sont en cours. Pour l'instant, on n'a pas réussi à recouper ça avec des. Alors, il n'y a pas que El Niño, il y a d'autres paramètres, il y a des ondes planétaires également. Pour l'instant, on n'a pas réussi à établir une corrélation fine. Je suis désolé, je vais peut-être briser un peu un élément de spontanéité, mais il est important de poser les questions avec le micro pour qu'elles soient enregistrées afin de garder trace de la question. Sinon, la réponse n'est pas. Est sans question, d'accord. Donc, je vous apporte le micro si vous avez une question. Ok, merci Olivier. Donc un autre paramètre important en Guyane, ce sont les phénomènes orageux. C'est quasiment la pluie, la température et les orages sont quasiment les seuls phénomènes, je dirais, que je qualifierais de dangereux, même si le terme n'est pas bien employé en Guyane. Alors les orages, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Je vais vous parler de la définition donnée par l'Organisation mondiale de la météorologie, parce que c'est une donnée qu'il va falloir prendre avec des pincettes. Et c'est un euphémisme. Donc l'orage est considéré comme un météore. Donc c'est deux bruits de tonnerre audibles sur la surface terrestre. Et donc pour les détecter, mais on utilise l'oreille humaine. Ça veut dire que, en fonction de l'endroit où se trouve un observateur, s'il entend l'orage, il va le consigner. S'il est un peu sourdingue, ça peut arriver, ben, il entendra moins bien. S'il est à l'intérieur de locaux, il entendra moins bien également. Donc ce sont des données qui sont relevées de cette manière-là, qui ont été relevées jusqu'à ces dernières années-là de cette manière-là. Donc, elles risquent très fortement d'être entachées d'erreurs ou d'incertitudes. Alors maintenant, nous utilisons de nouveaux systèmes. Les définitions au niveau mondial vont être modifiées. Donc, des nouveaux systèmes liés aux cellules orageuses qu'on détecte avec des radars, aux impacts de foudre, entre autres. Et donc, on aura, je pense, une nouvelle cartographie des systèmes orageux dans les années à venir. Alors, ce que l'on observe en Guyane, bon, grosso modo, on a entre une trentaine et une quarantaine de jours d'orage par an, en moyenne, mais avec une très grande variabilité de l'ordre de 18 jours. La seule chose qu'on a pu constater à l'heure actuelle, c'est une légère tendance à la hausse des orages. On a grosso modo, depuis 1966 à 2009, on a à peu près 5 à 6 jours d'orage en plus par an. Sachant que la variabilité, je le rappelle, est de l'ordre de 18 orages. Hein, donc le basculement autour de cette moyenne. Donc est-ce que c'est significatif, est-ce que ce n'est pas significatif? Pour l'instant, je pense qu'il va falloir continuer à compléter nos mesures dans les années à venir, surtout les affiner. Autre précision, la seule station en Guyane qui relève les orages, c'est la station météorologique de Rochambeau, parce qu'elle est située sur aéroport. On a des coins en Guyane qui sont nettement plus orageux, je pense par exemple à Montcinéry-Tonnet-Grande, la bien nommée. En fait, dès qu'il y a un relief, le relief de Cacao, on va avoir une augmentation des phénomènes orageux. Donc, c'est vraiment des études qu'il va falloir mener dans les années à venir. Passons à la partie modélisation. Donc, on résume ce que l'on a observé au niveau mondial, une hausse de la température sur les 50 dernières années. Au niveau de la Guyane, une augmentation d'environ 1,36 degrés sur les 50 dernières années. Les précipitations, c'est très variable. On a des années très sèches ou des décennies très sèches, des décennies très arrosées, des décennies moyennes. Donc, pas de tendance vraiment régulière. Maintenant, on va passer à la partie modélisation. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Le schéma le représente assez bien. Donc, il faut vous imaginer qu'on va découper la Terre en petits cubes. Dans chacun du sol à l'altitude, dans chacun de ces petits cubes, on va mesurer les différents paramètres météorologiques qui nous intéressent, le vent, l'humidité, les nuages, la température, en fonction de l'altitude. Nous allons ensuite appliquer des formules de mécanique des fluides, de thermodynamique, qui sont connues depuis le 19e siècle, pour voir quels sont les échanges qui se font entre ces différents paramètres, donc du déplacement, échange de chaleur, échange d'énergie, de colonne à colonne et de la surface vers l'altitude et réciproquement. Ça reste suffisamment clair? Bon. Donc à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un modèle déterministe. On va dire, si à l'instant zéro, au moment où on a effectué l'ensemble de nos mesures, l'état de l'atmosphère avait cet aspect-là, en prenant compte les différentes formules, les différentes évolutions possibles, eh bien, dans une heure, l'atmosphère aura tel aspect, dans 10 heures, tel aspect, dans 24 heures, tel aspect, et ainsi de suite, jusqu'à une dizaine de jours à l'heure actuelle. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'atmosphère est un milieu chaotique. Ça veut dire, la théorie du chaos, vous en avez entendu parler, les battements d'ailes d'un papillon au Japon créent une tornade aux États-Unis. C'est une image. Ça veut simplement dire que les formules mathématiques que nous utilisons sont extrêmement sensibles aux données d'entrée. Ça veut dire que si j'introduis une très petite erreur au départ de mon calcul, je peux arriver à des résultats très différents au final. Et c'est un petit peu le problème auquel se heurte la météorologie. Donc nous avons complété ces modèles déterministes par des modèles statistiques où on fait tourner le même run plusieurs fois, mais en introduisant volontairement des erreurs, ce qui va nous donner différents types de scénarios. Et ensuite, nous allons prendre les scénarios qui sont les plus représentatifs ou du moins que l'on retrouve le plus souvent, donc le scénario le plus probable. Des questions sur les modèles ? Bon.